J'ai toujours aimé ma vie avec ma ville. C'est marrant, un peu comme si jamais j'allais quitter mon île. Mais j'ai fini par m'enlacer au cours de cet hiver. Des tours, j'en aurais bien fait au moins 5000. Clairement, ce qui me dérange, c'est pas du tout le paysage. On n'a qu'à dire que je veux qu'un nouvel air vienne frôler mon visage. C'est drôle quand j'y pense, alors je sors et je me penche. Je regarde les nuages. 2021, j'ai des nouveaux projets d'avenir, les premiers. Je vais quitter ma famille, mais seulement pour pouvoir un jour l'épauler. Je donne plus de sourire, mais il faut que je puisse tout leur donner. C'est vers eux que je vais entrer après avoir atteint les sommets. Que tombe la pluie sur ma ville. Je reviendrai une fois accompli. Tout ce que je veux n'aura d'autre qu'un meilleur avenir. Pas mes racines, mais je sais très bien où j'habite. Saint-Denis, ma ville, c'est 10 milliers de souvenirs qui m'habitent. Je rejoins Paris avec d'autres objectifs, une nouvelle vie. Rejoins d'autres amis pour une nouvelle destinée, une nouvelle cime. J'ai peur de me brûler dans le sillon du phénix. Mais si je dois viser un sommet, alors ce sera le zénith. Car je veux être respecté, de même mes aînés. Qu'on puisse me reconnaître même parmi les élites. J'ai des nobles objectifs. Je veux mettre mon île sur la carte tant que faire se peut. Je sais qu'en France je serai touché par la nostalgie. Et alors j'y penserai, éloigné lorsqu'il pleut. Que tombe la pluie sur ma ville. Atashi no Yokohama. Kono machi ga suki da kara. Hanare wa shinai yo. Ame fure, ame fure, ame fure.